Un matin, je m'étais perdu. J'arrive, je ne sais plus comment, près de l'endroit où elle habite. Puis comme j'avais rien d'autre à faire, je suis resté attendre un peu. Et puis j'ai vu de la lumière, alors je me suis rapproché par derrière. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue dans sa cuisine. J'ai failli ne pas la reconnaître. Faut dire, elle avait mauvaise mine. Elle avait bien pris 20 kilos, pas forcément très bien placée. Et elle avait une vilaine peau et des grosses cernes de violacées. Alors j'ai éclaté de rire là. Elle a pleuré. Je lui ai parlé des femmes avec qui j'ai couché depuis, et j'ai lentement remué ma lame dans la plaie vive de son mépris. Elle m'a dit qu'elle m'aimait toujours, alors je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit: mon amour, je n'ai jamais aimé que toi. Puis mon réveil a sonné trois fois. Car il n'y a jamais de lumière dans la maison où elle habite. J'ai peut-être pas la bonne adresse, mais je n'abandonne pas si vite. Et puis j'ai tout mon temps devant moi, je travaille pas et je suis tout seul. J'aimerais bien la revoir une fois, juste pour lui cracher à la gueule. Marcher le long des rues, me laisser porter par le vent. Un matin, je m'étais perdu. J'arrive, je ne sais plus comment, près de l'endroit où elle habite. Comme j'avais rien d'autre à faire, je suis resté attendre un peu. Et puis j'ai vu de la lumière. Et puis j'ai vu de la lumière. De la lumière.